me taire, je me noie dans un embrun appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure, je me perds, je me noie dans un embrun appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure, c'est de ma vie dont on parle sans arrêt, ça me déglingue. Je ne sais plus quoi faire si ce n'est prendre un flingue et dans ma tête tirer une balle. Ici, la vie c'est la mort, là où les cœurs ont déserté nos corps. Sans âme ni conscience, notre amour propre meurt sans qu'on y pense. Nos vies se dégradent de plus en plus et la belle vie, je crois, a loupé le bus qui nous ferait vivre au plus beau des paradis. Oh. Je me perds, je me noie dans un endroit appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure, je me perds, je me noie dans un endroit appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure. On aimerait t'en sortir de cet enfer si horrible qui sans arrêt nous détruit toujours plus, car sans cesse nos pauvres amis percutent sans remords. Je le dis haut et fort, le paradis m'attendra même si je vis en enfer. Ma vie n'est qu'une phrase frangin et ma mort sera un refrain dont le son aura comme père un homme tout droit sorti de l'enfer. Aujourd'hui je rappe avec espoir car le rap est mon seul échappatoire. Je me perds, je me noie dans un endroit appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure. Je me perds dans le noir, dans un endroit appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure. Je ne sais plus quoi faire, je ne me reconnais plus. Mon amour se transforme en haine et mon enfer est en surplus. Ma vie se désagrège et mon âme se scarifie. Je n'arrive plus à vivre tranquille et je pleure le bonheur sans arrêt. Ma conscience tente de m'aider à m'en sortir mais en vain, car ma peine a tué mon envie de vaincre et mon cœur déclare forfait. Je déclare forfait. Je me noie dans un endroit appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure. Je me perds, je me noie dans un endroit appelé l'enfer. Je le ressens tout au fond de moi. Je me meurs, je pleure.